De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, votre rendez-vous communication. On peut dire ça comme ça. Bonjour Noémie. Oui, bonjour Yves. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va. On est toujours accompagnés aujourd'hui d'Emeline et Elio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Qui sont en stage et qui continuent bien de faire un petit bout de chemin dans de l'huile dans les rouages. Aujourd'hui, on va parler messages risqués. Oui, alors je me suis rendu compte qu'on avait parlé beaucoup des messages risqués. On a fait 3 chroniques là-dessus. Oui. Et chaque fois, je vous donnais que la solution pour éviter ça, de l'écoute active qui demande quand même une technique et qu'on n'est pas obligé en fait d'utiliser. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même donner 4 autres astuces que l'écoute active pour que vous puissiez avoir une palette de choix quand quelqu'un vient vers vous avec une émotion désagréable et que vous voulez éviter de faire plus de dégâts. Eh bien écoute, figure-toi que pas plus tard que ce matin, François arrive dans le bureau, il dit « mais c'est pas possible, j'en peux plus, j'ai trop de travail, je ne sais plus comment faire ». Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à François quand il arrive comme ça? Il dit « je suis débordé » et il parle et il parle et il marche dans la pièce. Et il parle fort. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à François pour l'aider? Trouver des solutions déjà, donner des conseils. Lui donner des conseils. Donner des conseils. Eh bien merci Elio. Alors ça c'est un message risqué parce qu'en fait quand on lui donne la solution, ça peut basculer dans le fait qu'on ne lui attribue pas les ressources. Mais c'est ok, ça s'appelle un message risqué, donc je rappelle que c'est pas un message interdit et que du coup on peut faire un message risqué, ce qui s'appelle en conscience. Je sais ce que c'est qu'un message risqué, j'ai pas la ressource aujourd'hui d'aller chercher chez moi une autre posture, donc vous avez tout à fait le droit de faire un message risqué en connaissance de cause. Donc autre option, juste de l'écouter. Oui, on peut simplement l'écouter en silence et montrer qu'on est attentif. Donc ça, c'est vrai, c'est une posture très utile et qui se rapproche de l'écoute active parce que l'écoute active, elle va proposer des émotions. Tiens, est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu t'inquiètes? Et des besoins. Eh bien, vous pouvez aussi dire ce que vous ressentez. Parce que quand vous le voyez, là, vous vous sentez comment? Qui marche, qui se plaint, etc. Ah, forcément, ça fait mal déjà de voir un collègue qui se sent pas bien parce que même nous, on va pas se sentir bien pour lui. Ouais. Et même se comparer par rapport à la situation, parfois, d'accord. Je pense que ça peut arriver. Alors ça, c'est de l'intellectualisation. Au niveau émotionnel, ça pourrait être, est-ce que vous vous sentez démuni face à son... Là, comme, oui, comment si il on agit. Voit pas de solution. Voilà, exemple. Vous pouvez le dire, en fait. C'est ok de dire, je suis démuni, là, de te voir comme ça, je ne sais pas quoi faire. C'est ok de dire ça. Ou c'est ok de dire, je suis triste pour toi, ou... vraiment, oh là là, j'ai les boules, je vois que t'es débordé, c'est vrai que c'est révoltant, je suis aussi révoltée que toi. Donc, dire ce que vous ressentez, c'est ok. On peut lui demander aussi quel est le problème, qu'il reformule un peu aussi sa situation. Alors, si on fait ça, on est dans l'enquête. C'est aussi un des messages risqués. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de reformuler vous. Tu es en train de me dire que tu es stressé parce que tu as énormément de travail. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on ne va pas prendre la posture de sauveur et de celui qui va résoudre le problème à sa place. Mais nous, on peut reformuler sans y mettre d'interprétation. Tu es en train de me dire que tu es stressé ou tu es en train de me dire que tu as beaucoup de travail. Là, c'est vraiment les faits. Tu es en train de me dire que tu as 10 dossiers à remplir pour aujourd'hui. Et le simple fait de le mettre en face de la réalité du truc, ça neutralise un peu l'information. Donc la reformulation de notre côté, c'est mieux que l'enquête. On peut dire aussi, quand on est démuni comme ça, on peut vérifier quand on a très envie de donner une solution ou un conseil, on peut vérifier qu'est-ce qui vient chercher chez nous. Est-ce que tu viens plutôt pour vider ton sac avant de retourner bosser, ou est-ce que tu viens parce que tu as envie qu'on réfléchisse ensemble à des solutions? Est-ce que tu veux des conseils? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que des fois, c'est ça qu'on peut ressentir. On a quelqu'un en face de soi qui s'agite et qui répète en boucle des choses et on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Et donc, l'aider à clarifier ça en lui, c'est déjà lui rendre un grand service. Parce que des fois, ils disent, oh non, je viens juste me plaindre à mon coup, puis c'est bon, après, ça va me passer, je vais y retourner. Moi, c'est souvent comme ça que je fais. Je lâche mon truc, je vide mon sac et je préviens tout le monde. Je dis, je vous préviens, je vide mon sac, c'est bon, après, je vais m'en occuper. Et il y a encore autre chose, alors? Eh bien, vous pouvez tout à fait faire un gros câlin avec le consentement des deux. Alors, moi, je pense aussi au contexte de la parentalité, où les enfants ont des tempêtes émotionnelles, ou des fois même dans le couple, où on voit l'autre qui nous raconte sa journée horrible et qu'on est là, on ne sait pas quoi faire, et bien on peut vérifier si nous on est OK avec la démarche. D'abord, le consentement de moi à moi, puis si l'autre est OK, est-ce que tu veux un gros câlin? Moi, j'ai déjà une copine qui m'a bien désamorcé une dizaine de problèmes comme ça. Viens, si tu veux, je te fais un gros câlin. Avec François, ce sera un gros câlin risqué, je pense. Donc voilà, vous avez la solution du gros câlin, de vérifier chez l'autre ce qu'il attend de vous, dire ce que vous ressentez, reformuler, et puis faire un message risqué, mais en connaissance de cause. Merci Noémie. Merci à toi. Et on vous invite bien sûr à réécouter toutes les chroniques de Noémie en podcast sur le site de la radio et partout ailleurs, et sur ton site aussi, les outils de Noémie. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.